Benz Petrol, Marv Mavanga, Mimi Avio, Johnny Shongani. Mambo, c'est lui qui sait, qui sachant, vit mieux. Adamo Alingwengi, Roger Maokolo. Hey, window. kata ba seta. Boni boni. Oh le grand, tu es une grande valeur quoi. Bongo na kata ba ke. Ah ya ya biso moi moi. Banda okenda kwa. Tro de biso prophète. Mais de quoi zongi ton si ton moni. Ah ya ya osa na grand pays quoi. Petit en canne dans la grande poste.